Tambour, tambour, tambour, es-tu le bon tambour? Tambour, tambour, tambour, es-tu le bon tambour? À qui sont ces squelettes? Tambour, alentour, tambour, que font ces vautours? Tambour, tu veux ma haine ou tu veux mon amour? Tambour, tu joues ma musique. Tambour, tu dis que je suis beau. Tambour, que c'est pour bientôt. Tambour, es-tu le bon tambour? À qui sont ces squelettes? Tambour, alentour. Tambour, que font ces vautours? Tambour, tu veux ma haine ou tu veux mon amour? J'arrive. Attends-moi tambour. J'arrive tambour. Tambour. Tu m'as conquis tambour. Tambour. Tu es le bon tambour. Me voilà tambour. Tambour, me voilà.